sur Zapt. Les ouais, suite de 6 décembre. Les câbles, estate rapide proterve, sopra le scime, avante che si impran, tacite all'ombra, mentre che il sol ferve, guardate dal pastor, che sulla verga, poggiato se e l'or possa serve. On peut comprendre les paris aussi mal destins dans son entretien soudain, où le poète russe associe l'esprit dantesque à la rapidité des idées, tout en nous s'attachant visuellement à l'italien couché par écrit, qui semble soumis par ses souffles rapides à la dislocation des mots par rapport à leur distribution, de manière qu'on peut ressentir qu'un atome de texte est partagé par une fin de mot d'un autre et la première moitié d'un autre mot qui poursuit quelque part. En soumettant l'astérisme ici du zodiaque dans le purgatoire à l'animation proprement poétique d'un idylle, d'une scénette, de l'anecdote qui en est le simulacre, que simulacre, qui n'en est que simulacre. Dante nous fait comprendre que les signes de la vie, inscrits dans une région en pénitence du ciel, pas encore dans le paradis, a besoin qu'on les commente. Du commentaire d'un regard, d'un constat en streaming, un chemin de chèvre. Les chèvres, ici, sont-elles plus les mots que les lettres, les unes sur les autres à tour de rôle. Mais qu'en adviendra quand les commentaires verseront sur le paradis même? Lundi 10 décembre 2012. Le summum du plaisir, c'est les fesses. Classicisme bourgeois dans son meilleur cru, une fois dépassé la tendance publicitaire, petite bourgeoise du voyeurisme des seins, gonflée prémisse de la nudité. Les cons et sa beauté restent un vestige d'une aristocratie qui nous s'est donnée par la grâce à des moments choisis de la vie, qui est rare comme l'excellence. Comme les fesses, les marbres, beauté polie, blanche et grise, chair fondante de la pierre, les marbres, pour ne pas être regardé par derrière ces faits culs de femme. C'est ainsi qu'il nous dérobe des pierres plus anciennes, molles ou dures, gypse, terre, obsidienne. Il n'y a lieu que des pierres dans la voûte étoilée du paradis. L'on contemple les juifs, les noirs et les nordiques, que l'on puisse être se trouve dans les baisers de l'univers, dans sa minérale et pulsante matrice, dans l'âme, dans son état natif. Avant le dressage, avant la définition et la personnalité, dans la bouche de l'autre, dans son ventre, sa langue, sa maladie. Après l'âge des rouleaux, l'âge des codex est aussi fini. Et de même qu'au codex le rouleau lui est étranger, notre mémoire se trouve en intrusion désormais dans l'avenir de nos rêves. Déjà faisant partie d'Aquarius, l'univers, se rouler puis se déplier, puis dans sa nonchalance d'odalisque, il entreprend un autre allant, il se déverse, il décharge, il douche notre masque de son secret. Il est une immersion chromatique, il nous entoure, nous accueille et nous reçoit, nous léchant de partout. Stérile et fécondateur comme de l'eau minérale, il est comparable au préliminaire avancé au 69. Jeudi 13 décembre 2012, l'extase étant tellement présente dans l'islam, le sort de Muhammad dans les poèmes de Dante a scandalisé des fanatiques à la pensée étroite qui en ont profané aux années 70, je crois, sa tombe à Ravenne. C'est depuis ont été traités comme ses rimes ont traité celles du prophète. Les rendus de la boucle jusqu'à ce qu'ait été notre siècle est vertigineux. Un monde où les morts, les prophètes et les fictions datées se raniment et opèrent depuis le réel, depuis le présent inéluctable, le seul temps inéluctable. Si c'est du passé, c'est du présent, et si avenir il y a, c'est parce que c'est du présent. Et si les accomplisseurs, les intégristes, n'étaient d'autres que d'allègres gaillards universitaires sanglés par les partis et la musique rock en arabe, véritables artistes d'un autre printemps arabe, beaucoup plus onirique, et qu'un miracle s'opère. Dante, prenant le corps d'un ectoplasme multicolore, qui s'adresse à eux, réveillés par la chatouille du vivant, se mettant à rimer, prenant une chaise, vomissant la terre avalée et se rinçant les dents sur les livres ouverts. Note de 2014, c'est plus ou moins ce qui s'est passé à cette période. J'ai été un fantôme. J'ai perdu beaucoup de dents, ce qui fait manger vite et parler confus. J'ai développé une presbytie qui me rend presque aveugle. J'ai circulé à Paris vers la banlieue nord, à et retour. Toujours à des heures nocturnes ou à l'ouverture vers 5 heures du matin, chargé des sacs en plastique avec un mélange de livres sales, débris incompréhensibles et vêtements mal rangés, moi-même présentant la vie des clochards dont à peine je parviens à me détacher. Nictoche affirme qu'il y a plus de touristes que de Florentins à Florence, mal hantés par un seul visage, le profil en solipsisme de Dante. Le paradis piétiné par les cochons pour les patriotes, mais tout cela est aliénation. J'imagine la nudité des seigneurs français et anglais à Almeria aux années 70. Je voudrais peindre ces jeunes de la haute et moyenne bourgeoisie, devenus en même temps prophètes de la libération et seigneurs féodaux de leur archaïque séjour espagnol, encore sous dictature, paysans et endoloris. Le nudisme introduisait une force plus efficace que la violence brute, les désirs. Par là, ils étaient des rois et par leur miraculeux argent et leur savoir imitatif. J'aurais besoin d'amis qui veuillent poser et apporter les jeux chorégraphiques pour plusieurs variations sur le nudisme à Almeria, mais il reproduit un tableau vivant à mon atelier. J'aurais droit à une composition triangulaire, le couple de Français, roi et reine, plus un vendeur de homards, fruits de mer que je compte m'appliquer à étudier et à peindre sur cette composition. On m'a dit qu'on trouve des homards en cire ou en plastique très ressemblants et fidèles. J'ai songé à me procurer un vrai homard et le peindre sur la toile avant qu'il ne se décompose. Ce serait le début et le centre de gravité d'une composition de 3 ou 4 figures. Le couple de touristes, elle nue, ornée de bijoux très modernes, lui et elle portant des chapeaux de paille Pamela. Et les vendeurs de homards, peut-être en couple avec une espagnole très flamenca ou très Penélope Cruz. Un vrai labyrinthe pour représenter l'intensité ambivalente du présent en tant que paradis agnostique, sceptique, bouddhique, toxique et tragique. Ou en inversant l'ordre, paradis tragique, toxique, bouddhique, sceptique et agnostique. 3 ou 4 personnages, alors. Je tourne autour d'un simulacre mental, mes couleurs d'aquarelle me trompent un peu, ayant travaillé toute la journée sur un cycle Klossowskian, le livre de Frédéric Tonnerre, je l'appelle, le peintre autour de qui se tisse la fiction de Robert, présent en tant qu'allusion dans les adaptations aussi bien que de Zucca que de Ruiz. Capitolo nono. Tornando al proposito, dico in questo verso che comincia trova contrario tal che lo distrugge. Intendo manifestare quello che dentro a me, all'anima mia, ragionava, cioè l'antico pensiero contro lo nuovo. E prima, brevemente, manifesto la cagione del suo lamentabile parlare, quando dico trova contrario tal chi lo distrugge l'umil pensiero che parlarmi sole d'un'angela que en cielo es coronata. Il s'agit de Il Convivio, en revenant sur ce sublime vide du paradis dessiné par Botticelli, on se dit que c'est ce livre et non pas la comédia que les peintres illustrent. C'est le Dante presque augustinien à la profusion des manuscrits désordonnés de Plotin, au souci d'ambiguïté bien articulé si l'on se permet un solécisme de Plutarque. Botticelli, se dit le critique, et son dit, est la crise du texte, le son d'une pote et d'un diminutif ou un pluriel du ciel, la ritournelle. Que faire du peintre? On dit que Renoir, malgré l'harmonie et la douceur gourmande de ses nus et portraits, était nerveux et presque complexé, qu'il farfouillait le mieux qu'il pouvait, méfiant de lui-même. Et je prolonge la nuit dans une non-lecture, une fuite de livres par les claviers, une ekphrasis.